apparu au mois de décembre dernier de 2019, nCoV, le coronavirus a infecté plus de 17 000 personnes à l'heure actuelle, dont 361 cas mortels en Chine continentale, ce qui fait dépasser ce coronavirus en létalité sur ce territoire par rapport à l'épidémie de SRAS en 2003. Ces deux virus sont en commun avec notamment le VIH, l'hépatite B, le poliovirus et j'en passe, d'entrer dans la catégorie des zoonoses, c'est-à-dire des vecteurs qui passent de l'animal à l'homme et inversement. Pourquoi un pathogène franchit-il d'un coup la barrière interespèce? Pourquoi devient-il subitement virulent pour l'homme? Comment répondre à l'apparition de ces nouvelles maladies? Ce sont les questions que nous nous poserons aujourd'hui. Zoonose, passer du coq à l'homme, c'est le programme contagieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer les mécanismes de cette épidémie nouvelle comparativement aux précédentes, et puis pour étendre le débat justement à l'ensemble de ces nouveaux pathogènes qui franchissent les barrières interespèces, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Nord à Lille, Anne Goffard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'Université de Lille, chercheuse et médecin au CHU de la même ville et vous enseignez également la virologie à la faculté de pharmacie toujours à Lille et nous serons rejoints d'ici quelques minutes par Barbara Dufour qui est vétérinaire, professeure de maladies contagieuses et d'épidémiologie à l'école vétérinaire de Maison Alfort où elle dirige l'unité de recherche sur l'épidémiologie des maladies infectieuses animales. Voilà, mais avant de nous lancer dans ce débat et ces questions, on commence par faire le tour de l'actualité scientifique de ces derniers jours avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, selon une étude parue dans Nature, nos poumons ont la capacité de se régénérer après l'arrêt du tabac. Et cela confirme un vieil adage, il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Chez les fumeurs, la majorité des cellules pulmonaires sont mutées par le tabac. Et les cellules contiennent jusqu'à 10 000 altérations génétiques. Ce sont un peu des bombes à retardement avant d'évoluer en cancer. Les chercheurs britanniques ont fait la biopsie de 16 poumons, fumeurs, non-fumeurs et anciens fumeurs. Ils ont séquencé les génomes des cellules épithéliales bronchiques, des cellules qui recouvrent les bronches. On découvre que chez les anciens fumeurs, jusqu'à 40% de cellules sont saines, non mutées. C'est un taux qui est similaire aux personnes qui n'ont jamais fumé. On sait qu'on réduit le risque de cancer dès le premier jour d'arrêt du tabac, mais on ne s'attendait pas à ça. Antonio Maravert est chef d'équipe à l'IRCM, l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier. Ici, ce que ça montre, c'est qu'il y a un type cellulaire que c'est pas clair pourquoi il n'y a pas de mutation, mais ces petites cellulaires, ça commence à faire une expansion après les personnes à arrêter de fumer. Donc en fait, il y a des possibilités. Soit les cellules sont, on va dire, dans un endroit que le tabac arrive très peu, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que les cellules sont des types souches, c'est-à-dire que ce sont des cellules qui vont pas faire des divisions. Et après, à un moment donné, quand ça arrête, les tabacs, bien évidemment, il va y avoir pas mal de blessures chimiques induites par les tabacs. Donc, ces cellules vont se dividir pour essayer de soigner les poumons qui s'étaient abîmés par les tabacs. Et c'est ça que c'est nouveau, parce que c'est une petite explication déjà mécanistique de pourquoi les gens qui arrêtent de fumer, quand même, ils sont un plus de danger que les gens qui ne sont jamais fumés, mais sont plus protégés que les gens qui continuent à fumer tout le temps. Et on passe au bref. Le Japon a réalisé la première greffe de muscles cardiaques issus de cellules souches iPS créées en laboratoire. Dans cet essai clinique mené par l'université d'Osaka, le patient a reçu trois feuilles de tissu musculaire de 4 à 5 cm appliquées sur des zones endommagées du cœur qui vont ensuite sécréter une protéine qui régénère les vaisseaux. Ces feuilles ont été créées avec des cellules iPS, des cellules souches pluripotentes induites qui proviennent d'un donneur sain. 9 autres patients attendent des transplantations similaires. Alors pour éviter les problèmes de rejet immunitaire, les cellules souches iPS sont de bonnes réponses. En revanche, il faut encore vérifier si les tissus transplantés ne deviennent pas cancéreux. Dans Astronomy and Astrophysics Journal, les astronomes ont découvert un nouveau type d'étoiles, des étoiles invisibles. Elles sont si sombres qu'on ne peut pas du tout les voir. Depuis 2016, on enregistrait d'étranges signaux. Une étoile dans la constellation du Cygne brillait de plus en plus avant de s'estomper d'un coup. Et cela recommençait avec la même fréquence. Une équipe internationale a compris que cet éclaircissement était dû à un effet de micro-lentille gravitationnelle. Quand un objet très massif courbe le chemin de la lumière émise derrière lui. Avec la fréquence de ces variations lumineuses, les chercheurs ont découvert qu'il s'agissait d'un système binaire, une paire d'étoiles. Et grâce à cette micro-lentille gravitationnelle, ils sont parvenus à déterminer la masse de ces deux étoiles, leur période de rotation et la forme de leur orbite, sans jamais en avoir détecté la lumière. Et pour conclure, dans la revue de Lancet, des chercheurs de l'université de Hong Kong ont publié une nouvelle modélisation de la propagation du coronavirus. Et selon leur modélisation mathématique, basée sur les données du 31 décembre au 28 janvier, et sur une durée de contagion similaire au SRAS, les chercheurs estiment que plus de 75 800 personnes seraient infectées par le coronavirus à Wuhan. L'épidémie devrait toucher les grandes villes d'ici une à deux semaines, Pékin, Shanghai. De plus, le nombre de personnes ayant quitté Wuhan vers des pays voisins comme la Thaïlande ou le Japon est d'environ 40 000. La taille potentielle de la pandémie pourrait être plus sérieuse qu'on le craignait. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Je vais rebondir sur cette dernière information, Anne Goffard. Alors tout ça, ce sont évidemment des modélisations informatiques qu'il faut prendre avec prudence. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette étude qui vient d'être évoquée, qui a été publiée dans The Lancet sur la propagation de l'épidémie? Bah, c'est un petit peu l'impression qu'on a déjà, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'épidémie effectivement diffuse largement sur l'ensemble de la planète. Pour les pays européens, c'est pas très gênant parce que on a des systèmes de santé qui sont costauds et qui peuvent prendre en charge ces patients. Ça peut être plus problématique pour des pays à un niveau socio-économique plus faible que nous parce qu'ils peuvent être très très embêtés et avoir des difficultés à prendre en charge les patients. Alors, on va évoquer ce coronavirus et plus généralement les zoonoses aujourd'hui, à savoir comment est-ce que un agent pathogène franchit d'un seul coup. On va voir que d'un seul coup, c'est d'ailleurs pas tout à fait vrai, qu'il franchit à plusieurs reprises et en général à relativement longtemps la barrière d'espèce pour être transmissible à l'homme, puisque après le SRAS en 2003, la grippe aviaire l'année suivante, cette année aura vu donc l'émergence de ce nouveau virus 2019-nCoV, un coronavirus d'origine animale transmissible à l'homme, qui à l'heure dont, à laquelle nous parlons, aurait infecté un peu plus de 17 000 personnes, principalement en Chine où il a fait plus de 360 morts, un mort à déplorer en Philippines mais d'origine chinoise. La Chine a depuis le début pris des mesures prophylactiques très fermes pour limiter les déplacements et contenir la transmission du virus. Et la presse s'est comme souvent un peu emballée en dépeignant de façon parfois excessive les conséquences de cette maladie, une zoonose, comme une large partie d'ailleurs des maladies émergentes, on y reviendra, ce qu'était déjà le SRAS en 2003. C'est notre archive du jour. Écoutez le professeur François Bricaire, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière au moment du début de l'épidémie de SRAS en 2003. Identifier, c'est quand même incertain. On croyait avoir avancé pas mal pour l'identification et un certain nombre de laboratoires, conjointement en Chine, en Allemagne et au Canada, avaient trouvé qu'il s'agissait d'un, peu importe, mais paramyxovirus, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire au moins d'identifier la famille. On avait même été un peu plus loin en disant, dans cette famille, c'est un métapneumovirus, c'est-à-dire un virus à forte potentialité toxique pour le système respiratoire. Et puis, depuis trois jours, on nous dit, attention, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être alors un autre virus qui s'appelle coronavirus, c'est une autre famille qui pose évidemment problème parce que si les gens chargés d'isoler les virus hésitent, ça ne facilite pas la tâche de la prise en charge et de, en particulier des attitudes thérapeutiques pour les médecins. Bien sûr, mais alors vous arrive-t-il si souvent d'être confronté, j'allais dire, à un inconnu, quelqu'un comme ça que vous ne connaissez pas, un visage inconnu? Alors, c'est arrivé un certain nombre de fois. Il faut reconnaître que ça ne prend pas toujours des ampleurs aussi fortes que celles que nous vivons actuellement. Il y a quelques années, par exemple, en Australie, il y a eu un paramyxovirus isolé qui a été responsable de quelques cas très isolés de problèmes respiratoires. On n'en a pas parlé, ou pratiquement pas. De même que le métapneumovirus dont on vient d'évoquer l'existence a sévi dans des secteurs pédiatriques aux Pays-Bas, Ça a été rapporté par la communauté scientifique, mais ça n'a pas été plus loin. Là, en revanche, effectivement, on est devant un problème qui prend une ampleur beaucoup plus grande dans la mesure où différents foyers sont apparus du fait de l'extension à partir du foyer asiatique. Voilà, François Bricaire, nous sommes le 23 mars 2003 sur France Inter. François Bricaire, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On a pris cette archive Anne Goffard parce qu'il est intéressant de voir qu'il y avait encore un doute sur l'origine exacte de ce coronavirus, puisqu'on entend les différentes hypothèses avancées par François Bricaire. On était en 2003, on est presque 20 ans après. Aujourd'hui, ça a été tous ces travaux d'identification étaient beaucoup plus rapides. Oui, ça a été beaucoup plus vite puisque en quelques semaines, on avait l'identification précise du coronavirus. Cette rapidité, c'est parce que d'abord, l'OMS a mis en place un réseau de laboratoires avec pas uniquement des laboratoires chinois, mais il y avait des laboratoires notamment aux Pays-Bas et ailleurs en Europe et aux États-Unis qui ont pu se mobiliser immédiatement. Sur cette question-là, le laboratoire des Pays-Bas est spécialisé dans l'étude des coronavirus. Et puis, on a aussi, depuis 2003, grâce au progrès de la technologie, accès au séquençage au débit qui permet de séquencer très rapidement le génome des virus et donc de facilement l'identifier en comparant la séquence du virus nouveau qui apparaît à toutes les séquences qu'on connaît déjà et donc à classer rapidement le virus dans une famille virale. Quelles sont les similitudes et les différences aujourd'hui, puisque le SRAS est un coronavirus comme 2019-nCoV, qui est le virus responsable de l'épidémie en cours. Quelles sont les similitudes et les différences entre les deux espèces? Donc sur le plan on va dire morphologique, c'est bien un coronavirus puisqu'il y a des photos qui ont été réalisées en microscopie électronique et donc on l'appelle coronavirus parce qu'en microscopie électronique, il a un aspect en couronne. Donc ça, il appartient bien à cette famille des coronavirus. Et après ça, en comparant la séquence du génome complet de ce nouveau coronavirus, il présente 80% d'homologie avec le génome du SRAS de 2003. Donc c'est très proche, mais c'est pas le même. 20% de différence suffisent à dire que il est proche, mais qu'il est différent. En termes de contagiosité, de létalité, aujourd'hui, on a déjà des informations qui peuvent justement permettre de comparer les deux coronavirus? Alors, en termes de létalité, maintenant qu'on voit le nombre de cas déjà déclarés et le nombre de décès, on voit déjà que la létalité est moins forte, heureusement, que le SRAS. Et on a l'impression, mais ça, il nous manque encore des informations scientifiques, qu'il diffuse beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux parmi la population humaine que le SRAS. Donc il est plus contagieux, mais il semble moins sévère, en tout cas moins létal que le SRAS en 2003. Un dernier mot à propos de ce coronavirus, puisqu'on va étendre, pour comprendre encore une fois, c'est le passage de ces pathogènes, ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire la transmission d'un pathogène d'une espèce animale à une espèce humaine. Le personnel médical reproche à la presse d'en avoir fait trop, de contribuer à l'inquiétude collective en dramatisant la situation. C'est aussi grâce au relais d'information qu'on a pu, peut-être que les autorités de chacun des pays ont pris des mesures immédiates et ont été très réactifs. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Il y a trop d'inquiétudes aujourd'hui diffusées, un peu trop de pessimisme du côté des médias, votre avis, Anne Goffard? Je pense que il fallait donner les informations. Malheureusement, les autorités chinoises n'ont pas donné toutes les informations scientifiques et médicales nécessaires à prise en charge de cette épidémie rapidement. Mais grâce notamment aux médias, on a eu beaucoup d'informations et ça c'était important à mon avis. Que l'information soit diffusée, qu'elle soit claire. Après, effectivement, surtout la semaine passée, il y a eu un peu un effet de panique avec des gens qui s'inquiétaient parce qu'ils étaient allés manger au restaurant chinois alors qu'il n'y avait aucun risque à ce moment-là. Donc, c'est difficile de faire la part des choses, c'est difficile de rassurer les gens et de ne pas céder à la panique. En même temps, moi, je pense qu'il faut absolument que les informations diffusent. C'est comme ça que la communauté scientifique peut travailler. C'est comme ça que les autorités prennent les bonnes décisions. Il faut que l'information circule aujourd'hui. à l'heure de la mondialisation, c'est indispensable. On peut dire, et tandis que je salue Barbara Dufour qui est en train de nous rejoindre et qui s'installe au micro, on peut peut-être rappeler rapidement, Anne Goffard, qu'aujourd'hui, effectivement, en tout cas pour nos auditeurs et pour la population française, le risque de contracter le coronavirus est extrêmement faible, qu'il est limité pour le moment aux personnes qui ont voyagé en Chine et que les 6 ou 7 patients, je crois, français sont pris en charge sans risque de lancer de nouveaux foyers épidémiques pour l'instant. C'est ça, pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, hein. Il n'y a pas d'épidémie en France. Les cas français qui ont été diagnostiqués sont à l'isolement en milieu hospitalier. Donc, ils ne risquent pas, a priori, eux, de contaminer d'autres personnes. Et dans la définition d'un cas suspect ou d'un cas possible pour la France, il y a la notion de retour de Chine, d'une région où l'épidémie sévit, ou de contact avec une personne infectée. Donc aujourd'hui, parlons avec prudence, aujourd'hui, le risque d'attraper ce coronavirus pour le tout venant en France, il n'y a pas de risque, quoi, puisque ce virus n'a pas diffusé massivement encore dans la population française. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h16, nous parlons du coronavirus en particulier et des zoonoses en général, c'est-à-dire de ces pathogènes qui passent de l'animal à l'espèce humaine. Peut-être qu'on peut dire, Barbara Dufour, que la majeure partie des pathogènes humains sont d'origine animale. Oui, je crois qu'on peut tout à fait dire ça. Ça rappelle juste notre condition animale, qui fait que nous partageons avec nos amis les animaux un grand nombre de pathogènes, en fait. Donc, on voit souvent dans des publications, 60% des pathogènes humains sont d'origine animale. Mais il n'y a rien de plus logique. Les seuls qui ne sont pas d'origine animale, ce sont des pathogènes humains qui ont eux-mêmes muté dans l'espèce humaine et qui sont restés dans l'espèce humaine. Tous les autres viennent de nos amis les animaux. L'apparition de ces zoonoses, de ces nouveaux pathogènes, aujourd'hui, ça se fait à quelle fréquence ? Est-ce qu'il est vrai que tout de même, on découvre plus de zoonoses ou de pathogènes potentiellement ayant franchi la barrière interespèce que ce n'était le cas avant ? Alors, il y a plusieurs explications à ça. D'abord, la première des choses, c'est que on a aussi des outils de diagnostic qui sont beaucoup plus fins que ceux qu'on avait avant. Je ne dis pas qu'il y a 100 ans, le coronavirus n'aurait pas été identifié. Je dis simplement qu'il avait toutes les chances de passer pour une grippe un peu méchante. Ça aurait été une énième grippe. Aujourd'hui, avec nos techniques de biologie moléculaire, on a vraiment la possibilité d'identifier des pathogènes, de nouveaux pathogènes. Alors après, sont-ils plus nombreux à émerger ? Il y a des raisons pour lesquelles les possibilités d'émergence sont plus importantes actuellement. Ces raisons sont très simples à comprendre. C'est d'une part la densité humaine et d'autre part la densité animale qui va avec ces densités humaines, puisqu'il faut beaucoup d'animaux aussi pour nourrir les gens de la planète. Et donc, ces animaux, ces hommes, à l'intérieur de leur population, circulent de manière très rapide toute une série de pathogènes, donc des virus, des bactéries et également, bien sûr, des parasites. Et de temps en temps, notamment pour les virus qui ont un cycle de vie très court, très rapproché, eh bien, le fait de circuler comme ça permet leur évolution. Et puis, certaines évolutions, la plupart des évolutions sont fatales à cet agent pathogène, mais un certain nombre d'entre elles sont adaptatives et lui permettent, en fait, de s'accrocher à l'espèce humaine, notamment puisque c'est de l'homme dont on parle, ou à d'autres espèces, d'y trouver, j'allais dire, un hôte accueillant et de s'y multiplier, de faire un nouveau pathogène pour l'homme. Alors, ceci est d'autant plus important dans les pays du Sud où les gens sont moins riches que chez nous et où les interrelations entre les animaux, notamment l'ensemble des animaux à la fois, de la faune sauvage et puis les animaux domestiques et l'homme, sont très importantes, beaucoup d'interrelations, donc beaucoup de circulation de ces agents pathogènes. Et plus on multiplie les espèces animales aussi, comme c'est le cas en Chine, comme c'est le cas aussi en Afrique d'ailleurs, plus vous savez que l'Ebola est lié à la consommation de viande de brousse par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a des espèces animales qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, nous les gens des villes, de pays développés, que côtoient un certain nombre de populations et qui, en multipliant ces espèces, multiplient la probabilité, le risque qu'un nouveau pathogène s'adapte à l'homme, s'y installe et fasse des dégâts chez l'homme. Voilà, donc... Anne Goffard, à ce propos, peut-être pour compléter ce que vient de dire Barbara Dufour. On sait bien, notamment pour le cas des coronavirus en général, et celui-là en est un exemple, les coronavirus viennent des animaux. Il y a, sur le plan médical, on distingue deux types de coronavirus. Les coronavirus qu'on dit peu pathogènes, qui circulent chez l'humain principalement de l'automne à la fin de l'hiver. Et les coronavirus qu'on dit très pathogènes, comme le SRAS et le MERS notamment, le MERS-CoV. Peut-être que celui-là, pour l'instant, n'est pas encore classé. Mais tous ces coronavirus-là, on le sait maintenant, grâce aux méthodes de biologie moléculaire notamment, ont émergé à partir d'animaux que nous côtoyons. Par exemple, il y a un de ces coronavirus peu pathogènes qui vient des bovidés. Mmh. Et qui s'est adapté chez l'humain. Il a probablement émergé au 19e siècle et il s'est adapté chez l'humain en circulant chez les humains depuis ce temps-là. Comment on est sûr aujourd'hui hein, à 100% que ce coronavirus NCoV 2019 qu'il est d'origine animale? Comment se fait-il qu'on ne sache pas encore? Pourquoi est-ce que c'est compliqué d'identifier la source primaire de réservoir de ce coronavirus, Anne Goffard? Ah ben ça, moi je suis pas spécialiste des animaux, donc c'est plutôt... Alors plutôt à Barbara Dufour à ce moment-là. Oui, c'est ça. Alors, ben déjà parce qu'il y a, potentiellement toute une série d'animaux qui peuvent héberger ce coronavirus. À l'origine, je ne sais pas si Anne Goffard sera d'accord avec moi, mais on suspecte fortement des chiroptères, c'est-à-dire des chauves-souris, d'être à l'origine du virus. Mais on suspecte aussi très fortement des espèces autres d'être relais. Je rappelle que pour le SRAS, il s'agit de la civette, par exemple, qui a créé un petit peu ce lien vers l'homme. Pour le MERS-CoV, dont on parlait également, ben, il s'agit des dromadaires, en fait. Donc, il peut y avoir des tas d'espèces relais différentes. Et il se trouve que nos amis chinois ont l'habitude de côtoyer des espèces très, très différentes. Donc, pour savoir ça, ben, faut investiguer sur toutes ces séries d'animaux et c'est compliqué et c'est long. Et en plus, c'est pas la priorité sur le plan épidémiologique et sur le plan de la réaction des services de santé. La réaction des services de santé, la priorité, c'est légitimement l'homme. Et donc, c'est pas la priorité tout de suite de connaître l'origine. La différence entre une espèce réservoir et une espèce relais? Alors l'espèce réservoir, ça va être l'espèce sur lequel naturellement le virus ou la bactérie ou le parasite hein, va vivre sa vie naturellement, à l'état naturel. Sans qu'il soit nécessairement pathogène d'ailleurs? Sans qu'il soit nécessairement pathogène, mais il peut l'être aussi. Hein. On a aussi des espèces réservoirs qui sont impactées par... Mais un bon réservoir, c'est un réservoir en fait qui n'a pas de signe clinique. Qui est asymptomatique. Comme ça, qui est asymptomatique. Et puis vous avez des espèces relais qui sont des espèces qui, si elles sont en contact avec ces pathogènes, peuvent s'infecter, peuvent le retransmettre, c'est en ça qu'elles sont relais. Mais si on les prive, alors on distingue des tas d'hôtes différents, mais l'hôte intermédiaire réel, à un moment donné, si on le prive de sa source avec le réservoir, ben ça va s'éteindre dans sa population, ou du moins rester à bas très bruit. Alors que finalement, l'espèce réservoir n'est pas toujours en contact avec l'espèce humaine, mais si on a cette espèce relais au milieu qui joue ce rôle de relais, eh bien effectivement l'homme peut être impacté. On parle depuis tout à l'heure d'émergence. Quels sont ces mécanismes? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce qu'on vient d'expliquer, ce que Barbara Dufour vient de nous dire, c'est-à-dire qu'il y ait un pathogène qui ne soit pas d'ailleurs nécessairement pathogène, enfin qui ne soit pas nécessairement pathogène, un pathogène qui ne soit pas pathogène, c'est un peu paradoxal, mais comme ça, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, il est transmis, il y ait une mutation qui fonctionne? Est-ce qu'on connaît les raisons? Est-ce qu'il y a des raisons particulières d'évolution comme ça, virologique ou... Alors sur l'aspect virologique, je vais laisser Anne répondre, mais d'une manière plus générale, on connaît de nombreuses causes à l'émergence et l'homme est malheureusement souvent le responsable de ces émergences. Des modifications de comportement, notamment, peuvent conduire à des émergences. Je vais vous citer un exemple qui va nous renvoyer très loin, qui est l'émergence de la listériose, de la listeria. C'est une bactérie, elle a une particularité, elle pousse assez bien à 4 degrés, là où les autres bactéries sont inhibées par le froid. Et donc finalement, la mise en place de la chaîne du froid est extrêmement utile à beaucoup de, pour limiter justement la multiplication de beaucoup de pathogènes, a favorisé cette listeria. Et on a vu apparaître plus de cas de listériose en raison de cette chaîne du froid. Alors là, c'est véritablement une modification technologique positive, mais qui a quand même sélectionné un pathogène. On peut en trouver des moins positives. On peut reparler du prion de la vache folle, qui lui a été également sélectionné par des modifications de transformation des farines de viande et d'os. À un moment donné, on les transformait à une certaine température, à une certaine pression, qui détruisait très certainement le prion. Et puis on a modifié ces températures et du coup le prion a pu se transmettre. On peut aussi parler d'un autre élément qui est effectivement le contact avec des animaux avec lesquels on n'est pas naturellement en contact. Je voudrais pas jeter le trouble sur les nouveaux animaux de compagnie, les NAC dont on parle, mais il est certain que si on développe des liens de plus en plus proximaux avec des animaux qui viennent d'endroits où normalement on ne devrait pas les être en contact avec eux, eh bien on risque de faire émerger, de faire passer chez l'homme des pathogènes. Je pense par exemple aux chiens de prairie qui sont des petits animaux très sympathiques, très jolis, et donc qui peuvent être intéressants comme NAC. Ben, ces animaux-là, ils transportent des puces qui elles-mêmes transportent la bactérie responsable de la peste humaine. Donc c'est un petit peu embêtant. Voilà. Donc il faut être très conscient que l'homme a une grosse part de responsabilité dans ces émergences. Des fois, vraiment de manière, j'allais dire, positive, parce qu'il invente des nouvelles technologies qui sont très utiles, hein, je ne critique pas la chaîne du froid. Et d'autres fois, parce qu'il modifie des comportements de manière moins utile pour l'espèce et conduisant à ces sélections-là. Sur les aspects purement en mutation, je pense que... On va écouter Anne Goffard à ce propos, justement, sur cet aspect plus virologique et mutation. Donc effectivement, nous, quand on parle au niveau microscopique de l'évolution des pathogènes qui vont pouvoir s'adapter à l'homme, il y a deux choses qui se passent en même temps. C'est bien une cohabitation entre un pathogène et l'humain. Donc il y a à la fois des aspects, des facteurs, on va dire, purement virologiques. En fait, par exemple, pour ce coronavirus-là, pour les coronavirus, ils ont une structure en couronne et les spicules de la couronne sont formés par des protéines d'enveloppe, les glycoprotéines d'enveloppe, la glycoprotéine S pour Spike, par exemple, en anglais. Parce que ça ressemble à des petites épines, comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc, ces petites épines, cette glycoprotéine qui forme les épines, c'est elle qui va venir s'attacher à nos cellules respiratoires, dans le cadre des coronavirus en général. Donc, elles viennent reconnaître nos cellules respiratoires, un petit peu comme une serrure reconnaît une clé. Est reconnu par une clé, pardon. Donc, le virus, comme ça, peut s'accrocher à nos cellules respiratoires et ensuite rentrer dans la cellule, s'y multiplier, détruire les cellules et donc donner une maladie, une infection, etc. Donc, au début, les coronavirus animaux sont pas très bien adaptés à nos cellules et petit à petit, des mutations vont apparaître qui vont faire que le virus est de mieux en mieux adapté aux cellules humaines et va de mieux en mieux les reconnaître et les infecter. Ces mutations, elles sont strictement aléatoires ? Elles sont aléatoires, malheureusement on ne sait pas les prévoir. On sait les regarder, on sait les constater, mais malheureusement on ne sait pas les prévoir. Elles arrivent par hasard. Très certainement qu'il y a ce qu'on appelle une pression de sélection, c'est-à-dire que les mutations qui donnent un avantage en permettant de mieux infecter les cellules humaines, elles sont conservées parce qu'elles permettent au virus de se multiplier. Et puis les mutations qui ne donnent pas d'avantage réplicatif au virus, bah, ces mutations sont abandonnées parce que ces virus mutants sont éliminés par notre système immunitaire. Donc il y a cet aspect virologique d'une part, et puis il y a l'aspect humain d'autre part, c'est-à-dire que malheureusement il y a des humains qui, par exemple, vont être immunodéprimés parce qu'ils reçoivent un traitement par immunosuppresseurs. Alors les immunosuppresseurs, par exemple, c'est les corticoïdes qu'on utilise au long de cours pour certaines maladies auto-immunes, c'est les chimiothérapies, c'est les transplantations, c'est des choses comme ça. Donc c'est des traitements qui vont déprimer notre système immunitaire pour un effet thérapeutique, mais du coup, le système immunitaire est plus faible et plus sensible aux infections. Il y a aussi les personnes âgées, mais très âgées, plus de 80 ans, dont le système immunitaire vieillit, ce qu'on appelle l'immunosénescence, et qui font que du coup, ces personnes-là sont plus sensibles aux infections. Donc ça, ce sont des facteurs humains qui font que les personnes sont plus sensibles aux infections et donc vont plus facilement être infecté et le virus va pouvoir s'y multiplier. Mais Anne Goffard, il y a tout de même ce qu'on appelle des facteurs de restriction, c'est-à-dire la barrière d'Espress, elle existe. Comment se fait-il qu'à un moment donné, elle puisse être franchie et de façon significative, puisque on suppose qu'elle est franchie un peu en permanence, mais de manière qui ne conduit pas d'un seul coup à un seuil épidémique. Quels sont ces mécanismes de résistance interespèce en fait? Donc ces franchissements de barrières d'espèces, ça a bien été montré pour le MERS-CoV, qui est donc un autre coronavirus qui circule actuellement dans la péninsule arabique depuis 2012. Les études des épidémiologistes et des virologues ont permis de montrer que il y a eu plusieurs accidents d'émergence chez l'humain, donc plein de fois des petits accidents où le virus passe chez l'homme. Et ces émergences ponctuelles se sont ont entraîné une adaptation du virus qui fait qu'il a pu rester dans l'espèce humaine. Donc ces accidents de franchissement de barrières d'espèces, donc c'est typiquement des mutations qui apparaissent, des recombinaisons, des modifications de l'ARN des coronavirus qui font que ils s'adaptent mieux à l'humain. Ces accidents, on est incapable de les prévoir, ils arrivent vraiment par hasard. Et malheureusement, il y a des sélections de virus qui font qu'ils, petit à petit, ils se multiplient chez l'homme. Mais on est totalement incapable de les prévoir. Barbara Dufour. Oui, alors, ce dont on parle, c'est l'émergence. Et puis, pour faire une épidémie, il faut plus qu'une émergence. Il faut une émergence et puis un deuxième stade qui est une diffusion. Et ça, c'est très important et de bien différencier ces deux phénomènes hein, qui sont distincts l'un de l'autre. Alors, pourquoi il y a diffusion ? Il y a diffusion parce qu'il y a densité humaine et parce qu'il y a circulation humaine. Voilà, ce qui explique d'ailleurs les mesures actuelles prises par nos amis chinois pour essayer d'endiguer l'épidémie. Donc, les auditeurs savent bien à quel point, d'abord, nous sommes nombreux sur la planète, et puis surtout à quel point nous nous déplaçons très vite maintenant. C'est certain que à l'époque où on n'utilisait pas l'avion pour se déplacer, il y avait une possibilité, entre guillemets, pendant les longs temps de déplacement, de voir apparaître la maladie et donc de bloquer les gens. Aujourd'hui, quelqu'un, il prend l'avion et puis il est à l'autre bout de la Terre en 24 heures. Et en 24 heures, c'est un délai qui est beaucoup trop court pour ce qu'on appelle l'incubation, c'est-à-dire pour que le virus, si la personne est contaminée, se multiplie et commence sa phase de symptômes. Donc on ne voit rien. Et puis, brutalement, on voit apparaître un cas dans un pays à l'autre bout de la Terre. Et ça participe évidemment à la diffusion. Et c'est ça qui fait peur aujourd'hui. Et il n'échappera pas qu'effectivement, les premières mesures qui sont prises pour endiguer une épidémie et pour essayer d'éviter que, c'est de fermer, quoi. De restreindre les déplacements des gens pour éviter qu'ils aillent répandre la maladie partout, quoi. Et à ce titre, on avait eu une conversation que je me rappelle être assez passionnante sur les origines du VIH et qu'on a réussi à retracer et qui sont effectivement liées au début du XXe siècle, complètement liées au développement du rail en Afrique de l'Ouest. Et puis, d'un seul coup, avec la massification du vol et du vol touristique, eh bien, le début de l'épidémie dans les années 70. Un mot peut-être à ce propos pour Anne Goffard, justement. Sur le VIH, je suis pas absolument spécialiste, mais... On va juste mettre le lien vers l'émission sur le fil Twitter à la méthode FC, comme ça les auditeurs pourront aller y jeter une oreille si ça les intéresse. Mais là, par exemple, pour ce coronavirus-là, pour les coronavirus en général, on voit bien la différence sur la rapidité de diffusion de l'épidémie entre 2003, le SRAS, où les infrastructures routières, mais aussi ferrées, par voie ferrée en Chine, étaient beaucoup moins développées qu'aujourd'hui. Et finalement, on a en 2003, l'épidémie de SRAS avait mis longtemps à diffuser en Chine, et il n'avait communiquer que qu'une fois que les premiers cas avaient été déclarés en dehors de la Chine, et ça faisait déjà 3, 4, 6 mois presque que nous, virologues, on entendait parler d'une pneumonie qui sévissait là-bas. Là, il a suffi entre début décembre et mi-janvier, un mois et demi pour que l'épidémie sorte de la Chine et que là, ils soient obligés d'informer la population, enfin les autorités internationales, parce qu'ils ont vu que ça filait et qu'on n'allait plus pouvoir contrôler l'épidémie. I have had my fun. Failing Health Blues de Champion Jack Dupré sur France Culture à 16h35. Nous parlons des zoonoses et du franchissement de la barrière interespèce de différents pathogènes suite évidemment à l'épidémie de coronavirus qui est partie en Chine. Nous en parlons avec Barbara Dufour qui est vétérinaire, professeure de maladies contagieuses et d'épidémiologie à l'école vétérinaire de Maison Alfort où vous dirigez l'unité de recherche sur l'épidémiologie des maladies infectieuses animales, et en duplex depuis France Bleu Nord à Lille avec Anne Goffard, qui est professeure à l'Université de Lille, chercheuse, médecin au CHU et qui enseigne la virologie à la faculté de pharmacie de Lille. On en parlait tout à l'heure, hein, le coronavirus, il a pu être séquencé, et notamment grâce à l'Institut Pasteur, qui donc a contribué à ces travaux de séquençage de 2019 nCoV. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez pu visiter le Centre d'intervention spéciale pour virus émergents. Oui, il s'agit de la cellule d'intervention biologique d'urgence, ou CIBU. Cette cellule, elle a été créée en 2002 à l'Institut Pasteur et elle dispose de plusieurs laboratoires de haut confinement qui permettent aux chercheurs de lutter contre les urgences biologiques qui peuvent mettre en danger la santé publique, que ce soit des épidémies mais aussi des accidents ou des actes de malveillance. Leur rôle, en fait, c'est de pouvoir rendre en urgence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un diagnostic sur un large panel d'agents pathogènes, essentiellement des bactéries et des virus. Jean-Claude Manuguera est le chef de la CIBU et il nous fait suivre le parcours type d'un échantillon infecté au coronavirus, depuis sa réception par la cellule jusqu'aux différents laboratoires où l'on essaiera d'en percer les mystères. Donc si par exemple un prélèvement est signalé, donc nous passons par le circuit habituel. Le prélèvement arrive ici. Si ça arrive la nuit, ben il arrive au poste de garde. Le poste de garde nous prévient. En général, on est prévenu avant qu'il arrive. Nous nous rendons au poste de garde pour récupérer le paquet. Et ce paquet, nous allons l'ouvrir dans un premier laboratoire où il n'y a aucun matériel infectieux, mais qui est équipé comme si il y en avait. Donc nous allons ouvrir le paquet, donc ouais. Les prélèvements arrivent toujours dans un triple emballage, l'emballage extérieur, l'emballage tertiaire, en gros c'est généralement un gros carton, avec de la mousse dedans, et à l'intérieur on va avoir la fiche du patient, qui va nous donner les informations sur l'hôpital qu'il nous a adressé, le patient lui-même, et donc nous allons sortir l'emballage secondaire, qui est en général une boîte en plastique dur, qui est résistant au choc. On fait ça donc dans une pièce où on n'a pas d'éléments infectieux du tout. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans un laboratoire de confinement 2 ou 3, dans lequel on va pouvoir sortir l'échantillon d'emballage secondaire, donc le tube, c'est l'emballage primaire, dans lequel on va avoir l'échantillon à traiter. Cet échantillon, on va le prélever, on va en prendre une partie, on va l'inactiver de manière à pouvoir le sortir et travailler dans un laboratoire normal. Quand on parle d'échantillon, ça va être quoi? Par exemple, de la salive d'un patient? Alors, du sang? Dans le cadre des coronavirus en général, et de celui-là en particulier, on va avoir essentiellement des prélèvements qui sont des prélèvements de lieu où on pense que le virus est. C'est-à-dire on va avoir des prélèvements respiratoires supérieurs, des écouvillons nasaux ou nasopharyngés, et d'autre part, des crachats induits qui vont refléter l'appareil respiratoire profond. Une fois qu'on est parti de là, on est allé en laboratoire de confinement 3, on a désactivé notre virus, donc il n'y a plus de virus vivant dedans. Le virus n'est plus dangereux pour quiconque. Oui, le virus est détruit en fait, ouais. Sauf qu'on a dedans toujours le matériel génétique. Et c'est le matériel génétique qu'on va essayer de détecter. Alors pour ça, on va l'extraire dans des pièces qui sont dédiées au diagnostic, qu'on appelle des pièces PCR propres. Dans ces pièces-là n'entrent que des prélèvements, qu'une culture riche de virus ou de bactéries. Donc ici, nous arrivons aux pièces PCR propres du clos pour le diagnostic. Donc ici, on va pas traverser. Mm-hmm. Donc ici, on a trois pièces. La pièce numéro 1 est une pièce dans laquelle on a nos réactifs qui ne doivent absolument pas être contaminés. Donc dans cette pièce-là n'entre jamais de matériel infectieux, ni d'ARN ni d'ADN. Une fois qu'on a mis nos réactifs dans les plaques, on va passer ici dans la pièce numéro 2, dans laquelle on va continuer l'extraction du patrimoine génétique du virus, et une fois que l'extraction est faite, mettre ce qu'on a extrait dans nos réactifs. Et puis on va continuer dans la pièce numéro 3, donc ces pièces sont en dépression, hein, sont dans la pièce numéro 3 dans laquelle on va mettre nos témoins positifs. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir sortir. Donc c'est une marche en avant, on ne peut pas revenir en arrière, les portes n'ont pas de poignée à l'intérieur. Et on va ressortir ici. D'accord. On ressort de l'autre côté du couloir. De l'autre côté du couloir. Alors, une fois qu'on a fait ce circuit-là, on ne peut plus le refaire dans la journée. Alors, pour quelle raison, ça ? Eh bien, parce qu'en fait, lorsqu'on était dans la pièce des témoins positifs, ou après, quand on va être dans d'autres pièces, c'est des pièces où on a des concentrations assez élevées d'ADN et d'ARN, et surtout l'ADN est très résistant. Et donc, on risque d'avoir dans nos cheveux, sur notre blouse, de l'ADN, qui risque de contaminer nos réactifs et de rendre des faux positifs. Voilà, donc une fois qu'on a notre plaque, on a mis nos extraits de prélèvement, on a mis nos témoins positifs, on a recouvert notre plaque, on va les mettre dans une machine qu'on appelle un thermocycleur. Donc ces machines font des cycles de température de différents niveaux et au bout de 50 cycles, on a assez de matériel génétique pour que celui soit détecté par des sondes fluorescentes. Entre l'arrivée du prélèvement et la réponse du test spécifique, notamment pour le coronavirus 2019, il va s'écouler entre 5 et 6 heures. Avant d'avoir le test spécifique, on avait un moyen de donner le résultat. Et là, effectivement, on faisait ce qu'on appelle une PCR de genre ou de famille, qui allait nous dire, ben là, on a un coronavirus, mais pas nous dire lequel. Et donc là, effectivement, on pouvait réaliser le séquençage sur la partie amplifiée pour nous dire, ben voilà, c'est du coronavirus respiratoire du Moyen-Orient ou c'est du coronavirus du rhume OC43 ou alors c'est votre nouveau virus de 2019, nCoV. Et donc, à ce moment-là, il fallait faire le séquençage et ça a ajouté 2-3 heures. Quelles recherches vous pratiquez au quotidien sur le coronavirus chinois qui sévit ? Les recherches se mettre en route, hein, puisque c'est quand même pas facile de démarrer. Alors on démarre pas de zéro parce qu'on a quand même l'expérience du SRAS, on a quand même l'expérience du coronavirus du Moyen-Orient, le MERS, et donc on a déjà des connaissances sur ce type de virus. Alors chaque ici unité laboratoire va travailler sur un domaine différent. Vous avez des collègues qui vont travailler sur le vaccin, des collègues qui vont travailler sur les protéines virales, c'est-à-dire tout ce qui est la biochimie de ces protéines, notamment les antigènes. Et puis vous avez d'autres qui vont cultiver le virus, il y en a d'autres qui vont, comme nous, essentiellement être concentrés sur la mise en place du diagnostic. Et donc ces recherches, on essaie de se coordonner de manière à ce que chacun fasse en face une partie qui n'a pas de chevauchement. On se tient aussi au courant de ce qui est fait par les autres, hein, ça c'est très très important. Et il y a des recherches qu'on ne peut pas faire puisqu'on n'avons pas accès à des prélèvements. Par exemple, si la recherche du réservoir animal ou de l'espèce intermédiaire qui a fait entrer le virus dans l'espèce humaine, ça ne peut être fait que sur place, là où est l'épicentre, et notamment à Wuhan. Voilà le reportage du jour dans cette cellule d'intervention spéciale de l'Institut Pasteur qui, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, n'a pas du tout contribué à séquencer le génome du coronavirus puisque c'est la Chine qui l'a fait. Je me suis un peu emporté dans ma pulsion nationale. Un mot de ce reportage, de ce que vous venez d'entendre, une réaction, Anne Goffard ? Ben nous, on travaille avec eux tous les jours, c'est-à-dire que aujourd'hui, les recommandations du ministère de la Santé, c'est que s'il y a un patient suspect dans quel que soit le CHU de France pour l'instant, les prélèvements respiratoires doivent partir à l'Institut Pasteur, donc à la CIBU à Paris, et c'est eux qui vont nous affirmer ou infirmer le diagnostic. Donc effectivement, en ce moment, ils doivent être très très sollicités parce que il y a des cas suspects dans tous les CHU de France, je pense à peu près en ce moment. Barbara Dufour. Oui, enfin moi, que je peux dire simplement, c'est que on a la chance de disposer de cellules extrêmement performantes qui permettent très rapidement d'identifier ce type de virus, et c'est ça qui permet d'empêcher l'épidémie. Pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, l'émergence, on peut pas faire grand-chose. L'arrivée d'un pathogène chez nous, bah, on peut bloquer les gens qui viennent de Chine, mais c'est pas très facile, hein. Par contre, la détection précoce pour éviter la diffusion dans la population, c'est quelque chose d'indispensable. Et ça passe par un centre de ce type qui est capable de faire un diagnostic de manière extrêmement rapide. C'est absolument indispensable. Et malheureusement, tous les pays ne disposent pas forcément de ce même type de cellules. Enfin, tous les pays ne, ne prennent pas la peine forcément d'informer les autres rapidement quand il se passe quelque chose sur leur territoire. Je pense que, sans vouloir incriminer nos amis chinois, on sait qu'on n'a pas eu tout de suite les informations sur cette maladie. Peut-être parce qu'ils ont imaginé pouvoir résoudre ça rapidement. Ça n'a pas été le cas, mais tout le monde a perdu du temps dans cette affaire. On peut dire que, on parle de zoonose au sens général, mais il y a différents types de cycles de passage de barrières interespèces. Il y a différents types de relais. Celui auquel nous sommes confrontés aujourd'hui avec le coronavirus, à quel cycle correspond-il ? Ça, je ne peux pas y répondre. Je ne peux pas répondre à votre question aujourd'hui, dans la mesure où il n'est pas connu. Il manque des étapes, oui. Et franchement, aujourd'hui, c'est ce que je voudrais dire aussi sur les zoonoses. Ce que j'ai l'habitude d'expliquer aux étudiants, c'est qu'une zoonose, c'est quand même une maladie qui se transmet habituellement de l'homme, de l'animal à l'homme. Alors, je peux pas. En Chine, il est bien clair que tout le début de cette affaire est totalement zoonotique et qu'il y a eu sans doute beaucoup de cas typiquement zoonotique. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un cadre zoonotique, y compris pour ce qui se passe en Chine. On est vraiment dans le cadre d'une maladie à transmission interhumaine. Donc, on a pas mal d'exemples de ces maladies, qui, je pourrais vous citer le chikungunya, dont on a beaucoup parlé, par exemple, à La Réunion. À l'origine, c'est une maladie zoonotique, le chikungunya. C'est des singes qui transmettent ça, par l'intermédiaire de moustiques, certes, mais qui transmettent ça à l'homme. Il n'y a pas de singes à La Réunion. Et pourtant, il y a eu une épidémie majeure de chikungunya il y a quelques années. Et parce que la maladie était devenue strictement une maladie à transmission interhumaine. Certes, pour le chikungunya, par l'intermédiaire d'un moustique, ça n'est pas le cas du tout pour le MERS-CoV, puisque c'est une transmission directe, mais on est bien dans une épidémie, dans une maladie transmissible entre les hommes. Et ce qui va nous arriver en France, c'est sûrement pas l'aspect zoonotique s'il nous arrive quelque chose. Les quelques cas qu'on a eus, on a dit que c'était pas du tout épidémique pour l'instant, et on pense tous que, moi je pense que si toutes les mesures sont prises pour que ça ne le devienne pas, mais de toute façon ce sont des transmissions interhumaines, ce ne sont pas des cas zoonotiques. Anne Goffard, un mot à ce propos ? Effectivement, maintenant on est passé dans la transmission interhumaine. Au début, les premières informations qu'on avait, les tout premiers cas, on nous disait on ne sait pas très bien si ça se transmet à l'homme, etc. Maintenant, on l'a bien montré. Les collègues chinois ont publié deux articles dans le Lancet il y a maintenant presque deux semaines, qui démontrent bien à la fois l'aspect de la transmission interhumaine et ce qu'on appelle les clusters familiaux, c'est-à-dire les transmissions au sein d'une famille. Donc maintenant, il n'y a plus aucun doute. Effectivement, on n'est plus dans l'aspect zoonotique, on est dans l'aspect transmission interhumaine. Cela dit, c'est important de connaître le réservoir, d'identifier, ce sera important d'identifier le réservoir animal, parce que ce sera aussi un des moyens d'empêcher que cette épidémie se reproduise si on arrive à l'éteindre. Alors justement, comment est-ce qu'on arrive, par le passé en tout cas, qu'est-ce qui permet d'endiguer, de diminuer le taux d'incidence de ce qui était à l'origine une zoonose, c'est ce qui se transforme en épidémie barbare du foie? Alors on a une expérience en France sur des maladies évidemment beaucoup moins diffusées, beaucoup moins graves aussi peut-être que ce corona, quoique. On a lutté en France par exemple contre une maladie qui s'appelle la brucellose, qui est une maladie à l'origine animale, qui concerne les ruminants, les petits et les grands ruminants, et qui avortent, mais qui se transmet très fortement à l'homme. Et dans les années 1970, il y avait énormément d'éleveurs et de vétérinaires qui étaient touchés par cette maladie, qui est une maladie grave chez l'homme. Pas très grave, mais grave. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé à l'époque pour lutter contre cette maladie, c'est d'essayer d'en faire l'éradication chez l'animal. C'est ce qu'on a fait. Après 30 ans d'efforts, de lutte dans les élevages, etc., cette maladie a été éradiquée de France. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de brucellose autochtone. Et donc il n'y a plus de cas chez l'homme. Enfin, les cas qu'il y a chez l'homme, c'est des gens qui se contaminent à l'étranger et qui ne sont pas contaminés en France. On pourrait citer aussi la lutte contre la tuberculose bovine, qui n'est pas tout à fait finie encore en France, mais qui a été également à l'origine uniquement faite chez l'animal pour protéger l'homme. Donc, on sait un petit peu. Alors, ça, c'est des maladies qui concernent les élevages, donc c'est presque plus facile. Quand il s'agit de maladies qui concernent la faune sauvage ou qui sont transmises par par des insectes vecteurs, etc. Mais il y a d'autres mesures. Par exemple, les gens doivent faire attention. Vous savez aujourd'hui que la maladie de Lyme, qui est une maladie zoonotique aussi, ben on conseille aux promeneurs de faire attention à ne pas se faire mordre par des tiques. Et surtout, s'ils sont mordus par des tiques, à retirer très rapidement ces tiques, parce qu'on sait que la bactérie à l'origine de cette maladie ne se transmet qu'à la fin du repas sanguin de la tique. Donc si on attrape une tique en forêt et puis qu'on retire cette tique dans les heures qui suivent, le risque est extrêmement faible, pour ne pas dire nul. Alors que si on attend deux jours, ben là, le risque est loin d'être nul. Donc il y a différentes méthodes en fonction des cycles qui peuvent être très différents et très complexes, puisqu'il y a quand même beaucoup de maladies zoonotiques, on l'a dit tout à l'heure. Bien sûr. Anne Goffard, comment est-ce qu'on explique que certaines maladies à l'origine zoonotique qui se transforment en épidémie disparaissent à un moment donné, puis réapparaissent, notamment, je pense évidemment, aux différents foyers épidémiques de fièvre Ebola? Alors là, c'est pareil. Hein, on arrive à les éteindre quand on va mettre. Alors il y a plusieurs choses. Malheureusement, les patients décèdent très très vite dans le cas d'Ebola. Donc il y a plus d'hôtes humains. L'autre moyen d'éteindre l'épidémie chez l'homme, c'est l'isolement strict des personnes infectées. Depuis quelque temps, on a un vaccin maintenant pour Ebola qui a l'air de bien marcher, puisqu'il est utilisé, il permet d'arrêter la diffusion des épidémies dans les villages et dans les villes touchées. Et puis on a stoppé aussi les contacts avec le réservoir humain. Donc tout à l'heure, vous parliez pour Ebola de la viande de brousse. Quand on arrive à faire comprendre aux populations sur place qu'il faut qu'ils arrêtent, enfin qu'ils évitent de consommer cette viande de brousse, et principalement de la viande de singe, les différentes familles de singes, on arrive à stopper comme ça l'émergence de cette infection chez l'homme. Donc il faut à la fois lutter contre le réservoir, et c'est pour ça encore une fois qu'il est important de le connaître, mais aussi l'isolement des patients, et si on dispose d'un vaccin, c'est l'idéal, mais pour les coronavirus, par exemple, pour le moment, on n'en a pas. Mais c'est à la fois lutter contre le réservoir animal, mais aussi lutter chez l'homme pour arrêter la diffusion. Donc, par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui pour les patients infectés par le corona en les mettant à l'isolement, c'est pour l'instant le meilleur moyen dont on dispose pour stopper la diffusion de cette épidémie, par exemple au sein de la population française. Et c'est ça qui pourrait éteindre l'épidémie. Une fois qu'il n'y aura plus de virus chez des gens présents en France, l'épidémie va s'arrêter d'elle-même, puisqu'il n'y aura plus personne à infecter. Barbara Dufour, et pourquoi, alors pour si on reprend l'exemple d'Ebola, pourquoi est-ce que les épidémies, on arrive à les arrêter, puis il y a à nouveau des flambées épidémiques, d'ailleurs qui sont assez, assez préoccupantes en Afrique de l'Ouest? Oui, alors justement, je veux dire, on parle énormément du coronavirus parce qu'il inquiète. Il inquiète notamment, comme l'a dit Anne Goffard, parce qu'il n'y a pas de vaccin. Mais l'Ebola est autrement plus dangereuse et grave comme maladie que le coronavirus. Hein. La létalité, c'est-à-dire le nombre de morts sur le nombre de malades, n'a pas grand rapport. En matière d'Ebola, on peut atteindre 60%, alors qu'en coronavirus, heureusement, on est aux alentours de 3%, ce qui n'est quand même pas du tout la même chose. Pour autant, on en parle beaucoup moins, alors qu'en 2019, il y a quand même eu une épidémie en République du Congo avec plus de 2000 personnes qui sont mortes. Alors, pour qu'on en parle moins, bon, il ne m'appartient pas d'avoir de jugement sur sur la manière dont les médias médiatisent ou non ces affaires-là, mais je pense que c'est lié aussi au fait qu'on a déjà rencontré ça, l'Ebola, et puis donc on a un peu moins peur que de quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, pourquoi l'Ebola est revenu en Afrique de l'Ouest? Ça a été dit tout à l'heure, hein. Parce qu'on n'arrive pas à convaincre totalement les populations locales d'arrêter d'avoir des contacts alimentaires, si je puis dire, d'aller consommer ces viandes de singes en brousse. Et donc, à nouveau, il y a des foyers. Et puis, à nouveau, ça se développe. Je crois que pour la dernière épidémie, c'était via un enfant et un contact avec une chauve-souris et pas un singe. Hein. Oui, alors c'est possible aussi. En tout cas, ça reste dans la faune sauvage. Bien sûr. Ça reste dans la faune sauvage. Et c'est vrai que les contacts avec la faune sauvage, et notamment, alors on sait que les chiroptères sont vecteurs d'énormément de virus extrêmement pathogènes pour l'homme, hein, virus de la rage, de l'Ebola, probablement de certains coronas, voire pas mal de coronas. Pour autant, c'est compliqué hein, d'empêcher les gens d'avoir ces contacts-là. Quoi. Bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'il y a certaines espèces qui sont justement porteuses de plus de pathogènes humano-compatibles, entre guillemets, que d'autres, Anne Goffard? Il y a une explication virologique à ça? Alors, je voudrais revenir sur les chauves-souris, parce que effectivement, les chauves-souris sont connues pour être des réservoirs pour abriter énormément d'espèces virales différentes. Pour les coronavirus, attention, je ne parle pas pour Ebola, hein, mais pour coronavirus, les coronavirus qui sont hébergés par les chauves-souris sont très éloignés des coronavirus qui infectent les humains. Donc, pour les les coronavirus qui sont présents chez les chauves-souris, d'abord ne rendent pas les chauves-souris malades. Et ça, c'est une grande énigme. Comment elles sont capables d'abriter autant de virus différents sans être malades? Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on n'a pas c'est un mystère qu'on n'a pas éclairci. Mais après, il y a un phénomène de, il faut absolument des hôtes intermédiaires infectés par ces coronavirus qui vont s'adapter à ces hôtes intermédiaires avant de passer chez l'homme. Donc effectivement, pour ce nouveau coronavirus, il semblerait qu'il y ait un ancêtre viral. En virologie, on parle d'ancêtre viral qui soit présent chez la chauve-souris. Ce serait pas une aberration, parce que la plupart des coronavirus humains ont un ancêtre viral chez les chauves-souris, mais la distance génétique entre les coronavirus de chauves-souris et les coronavirus humains est très grande, et ce ne sont pas les chauves-souris qui transmettent directement à l'homme ces coronavirus. Alors, on ne connaît pas le réservoir pour ce nouveau corona, j'espère que ça n'est pas une chauve-souris, mais bien pour dire que, attention, les chauves-souris, il ne faut pas aller les massacrer sous prétexte qu'elles portent des virus. Ce sont des hôtes indispensables à la biodiversité et ce n'est pas elles qui sont responsables de nos infections la plupart du temps. Je voudrais rajouter quelque chose sur les chauves-souris, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas non plus confondre toutes les chauves-souris. Il y a des tas de chauves-souris différentes, et en particulier celles qu'on a, nous, dans l'Hexagone, ici, qui sont des petites chauves-souris insectivores, toutes petites, toutes mignonnes, si je puis dire, des sérotines, des pipistrelles. Ces animaux-là ne sont pas du tout dangereux, et en plus, ils sont protégés. Par ailleurs, les autres chauves-souris, celles qui se trouvent dans leur milieu d'origine, il suffit de les laisser dans leur milieu d'origine et de diminuer les contacts avec ces animaux-là, en fait. Un mot pour conclure, en quelques mots rapidement. Est-ce qu'on peut s'inquiéter légitimement, compte tenu de la multiplication tout de même, du nombre de maladies qui franchissent les barrières d'espèces, puisqu'on en reçoit une maladie toutes les 14 à 16 mois, dans les années 70, c'était tous les 10-15 ans. Donc, a priori, il y a quand même plus de maladies qui franchissent les barrières d'espèces. Est-ce que le schéma hollywoodien science-fictionnel d'un virus qui perdrait contrôle, il est aujourd'hui crédible, ou est-ce que c'est vraiment purement de la science-fiction? Barbara Dufour. Alors bon, plusieurs choses dans ce que vous dites, rapidement. La première, on va avoir de plus en plus d'émergences. On est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus d'animaux. Après, ce qui est important aussi de penser, c'est qu'on est de mieux en mieux préparé à ces émergences. Je l'ai dit tout à l'heure, on a des systèmes pour les diagnostiquer très rapidement et donc essayer de les endiguer. Donc je crois qu'il faut rester raisonnablement optimiste, en particulier grâce au développement des systèmes de santé et des cellules de crise qui sont de mieux en mieux adaptées à ces émergences. Anne Goffard, en un mot. La même chose, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est important aujourd'hui, ce serait quand même que tous les pays de la planète disposent des mêmes outils que nous. Parce que clairement, là, si nous, on peut lutter contre cette épidémie et mettre les patients à l'isolement, c'est parce qu'on a les moyens, c'est parce qu'on est équipé en laboratoire et en services de maladies infectieuses qui sont capables de prendre en charge les patients. Ça n'est malheureusement pas le cas de tout un tas de pays, que ce soit la Corée du Nord, les pays africains, la Thaïlande, etc., qui, eux, n'ont pas les infrastructures de santé que nous avons. Et qui, ces pays-là, peuvent être en difficulté. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Barbara Dufour, merci Anne Goffard, merci à nos camarades de France Bleu Nord pour le duplex depuis Lille, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Ludovic Auger aujourd'hui à la technique. Demain, nous parlerons du ciel nocturne et plutôt de ce qu'il en reste ou de ce qu'il va devenir si Elon Musk va jusqu'au bout de son projet Starlink avec l'envoi de dizaines de milliers de satellites en orbite basse. Est-ce la fin de la paisible nuit étoilée? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.